ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les échecs de leurs origines à Deep Blue, en passant par Bobby Fischer et Garry Kasparov. Les pièces marchent, s'imbriquent, se détruisent, elles sont en mouvement tout le temps. Et c'est cela qui m'attire, parce qu'une partie d'échec, une position d'échec qui ne joue pas, n'a pas de côté plastique ou esthétique. C'est par les possibilités des mouvements qui peuvent survenir après cette position que la position peut être appelée belle ou moins belle. Le peintre et plasticien Marcel Duchamp qui parle en 1964 de sa passion pour les échecs, une passion que près de 10% de la population mondiale partagerait. Le monde compterait à peu près 600 millions de joueurs d'échecs. Une passion dont il est pratiquement impossible de se défaire, va rajouter Marcel Duchamp. C'est une comparaison avec la drogue, c'est-à-dire que quand on commence jeune à jouer aux échecs, eh bien on mourra vieux avec les échecs. C'est-à-dire c'est une passion qu'on ne peut pas facilement... Qu'on emmène dans sa tombe. Qu'on emmène dans sa tombe, absolument. Murray Head interprétant la chanson One Night in Bangkok tirée de la comédie musicale Chess du groupe ABBA pour retracer les origines du jeu d'échecs et nous raconter son histoire. Francis Lalumière, concepteur et traducteur de jeux, surtout fou fini des jeux de société. Eh bien oui. Francis, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. ABBA, d'abord, ça m'intrigue. ABBA qui s'intéresse aux échecs, comédie musicale sur les échecs, Chess. Qu'est-ce que ça raconte cette affaire-là? Quand même. En 84, ça raconte rapidement l'histoire d'un joueur soviétique qui tente de passer à l'Ouest, une expression qu'on entendait souvent à l'époque, au moment d'une compétition entre les États-Unis et l'URSS. Et c'est pas... On va y revenir, parce qu'il y a eu effectivement défection. Les Soviétiques vont dominer ce jeu des échecs au 20e siècle. Oui. C'est la guerre froide qui va se transposer, d'ailleurs, sur l'échiquier, littéralement. On va y revenir. Je retiens ça. Okay, Chess, ABBA et ses défections. Les débuts. Est-ce qu'on sait à peu près quand et où apparaissent les échecs? L'origine des échecs, c'est un cliché, c'est perdu dans la nuit des temps, mais c'est vrai dans le cas qui nous préoccupe particulièrement. Il y a beaucoup d'historiens qui sont penchés sur le sujet. Il y a plusieurs théories, plusieurs mythes de naissance des échecs. On ne s'entend pas toujours sur certains détails, mais il y a un élément sur lequel à peu près tout le monde s'entend. Les échecs auraient environ 1500 ans. À une fin de semaine près, on va pas se chicaner là-dessus. Les échecs commencent il y a 1500 ans. Mais en fait, commence avant ça, même avant ça, faut reculer un petit peu plus parce qu'ils sont basés sur des jeux encore plus vieux qu'eux. En Inde, au tout premier siècle avant Jésus-Christ, on parle du 2e-3e siècle après Jésus-Christ, excusez-moi. C'est le Parchésie, en fait, qui est un petit peu l'ancêtre. Oui, ben en fait, on peut regarder le Parchésie comme un des ancêtres des échecs, qui était un des nombreux jeux de course qui se jouaient à l'époque. Alors, rapidement, c'est un jeu à 4 joueurs, on lance les dés, il faut que les pions fassent le tour du plateau pour arriver à gagner. Alors, le premier qui faisait le tour du plateau avec ses 4 pions remportait la partie. Mmh. Tout le monde, à peu près, connaît ce type de jeu maintenant. Mais il y a des jeux de course comme ça, qui jouaient avec des dés, qui jouaient sur des plateaux de 8 cases par 8. Alors, c'est un de ces jeux de course-là qui aurait évolué pour nous donner le jeu qu'on connaît aujourd'hui comme étant des échecs. Le jeu évolué, on parle de quelques siècles ici, ça évoluait assez lentement. Le nombre de pions passe de 4 à 8 par joueur. Les pions acquièrent des personnalités. C'est au lieu d'être des pions anonymes, c'est un char, une cavalerie, une infanterie. Ça, c'est important, là, parce qu'on se rapproche de l'univers militaire des échecs, avec ses pièces. Oui, oui, oui, tout à fait. Puis c'était un miroir de la réalité militaire de l'époque, parce que l'armée indienne avait 4 unités différentes. Ouais. La cavalerie, l'infanterie, le char et l'éléphant de guerre. Mmh. Et on se déplace lentement vers un jeu à 2 joueurs aussi. Alors, au début, c'était 4. On finit par jouer à 2, avec 16 pièces chacun. Pas 2 rois, par contre. C'est parce que c'est 2 ensembles de 8 pièces, au fond, mais il n'y a pas 2 rois. Il y a un vizir, un conseiller, au lieu du 2e roi. Et avec l'apparition du roi, d'ailleurs, apparaît une nouvelle condition de victoire. Si on élimine le Raja, qu'on appelait à l'époque en Inde, on remporte la partie, élimine le joueur adverse. À la fin du 5e siècle, on est à peu près... on se rapproche pas mal de ce que vont être les échecs. Le jeu, deux joueurs qui s'affrontent, c'est à peu près à ce moment-là qu'on peut dire c'est la vraie naissance du jeu. Oui, on a éliminé les dés. Le jeu joue encore avec des dés jusqu'à pas longtemps avant le 5e siècle. On élimine les dés, c'est un jeu de guerre à deux joueurs, effectivement, qui joue sur un plateau qu'on connaît aujourd'hui, 16 pièces par joueur. Totalement de la stratégie. Il n'y a plus de hasard qui est exact. Expliqué à ce moment-là. Ça, c'est important. Puis ça va se promener, évidemment, comme tous les jeux. On avait fait à l'époque l'histoire du Monopoly qui se promenait de ville en ville aux États-Unis. Là, ça se promène de pays en pays, échecs. L'Iran, c'est intéressant parce que vraiment, on peut dire avec un gros clin d'œil, mais c'est le jeu d'échecs acquiert vraiment, mais au sens premier, c'est l'être de noblesse en Iran. La noblesse trip, mais complètement sur les échecs. Oui, on se met à jouer aux échecs. C'est un... À la cour. À la cour, tout à fait. On fait des jeux à des pièces en matériaux nobles. Bon, plus question de faire ça en terre cuite ou en bois. Là, c'est quelque chose de particulier. Ça devient un outil d'éducation pour la jeunesse. Les jeunes princes perses, parce qu'on appelait l'Iran encore la Perse à l'époque. Il y a un empereur qui se serait exclamé, qui comprenait pas, qui c'était très étrange pour lui de voir un prince qui ne savait pas jouer aux échecs. Mm-hmm. Alors il avait dit comment arrivera-t-il à régner sur son royaume. Oui. Ça donne une idée de l'idée qu'on se faisait du jeu à l'époque. Mais la fonction, c'est pas complètement stupide parce qu'il y a une fonction, il y a plus de hasard. On est dans la stratégie, dans le calcul. Hein. C'est un petit peu ça l'idée du prince quand il dit pour être un bon stratège, il faut savoir jouer aux échecs. C'est un peu ça l'idée. Oui, on a souvent utilisé les échecs comme métaphore de la vie en général. Alors si on sait bien jouer aux échecs, ça veut dire qu'on sait bien mener sa propre anticiper vie. Les coups, etc. Oui, c'est ça. Ouais. La Perse de Noussi, c'est une nomenclature au jeu. Alors il y a beaucoup de noms qu'on garde encore aujourd'hui, même en français. Alors par exemple, je donne deux exemples rapides. Quand on dit échec et mat, ça vient du persan shamat, qui voulait dire le roi est mort. Et quant au nom des échecs lui-même, les échecs au pluriel, c'est un peu étrange d'ailleurs que ça soit au pluriel, celui-là vient du latin scacchi, qui est un mot au pluriel aussi, qui désignait les pièces du jeu du chat, parce qu'en perse, le roi, c'est le chat. Mm-hmm. Alors, les pièces du jeu du chat. Alors, ça veut dire que quand on dit les échecs, on fait référence aux pièces sur le plateau. Ouais. Un peu comme quand on dit les dames, c'est un peu plus évident dans le cas. Ouais, ouais. Le monde arabe va s'intéresser aussi aux échecs et là vraiment c'est là qu'on va développer. Ils prennent ça au sérieux. Du côté du monde arabe, les échecs c'est quelque chose de sérieux. La théorie des échecs nous vient de là. Oui, du 7e au 9e siècle, on a à peu près deux siècles et demi où les échecs évoluent beaucoup. Entre autres, c'est les Arabes qui développent les premiers une théorie et une analyse des échecs. On n'avait pas ça avant. C'est eux aussi qui développent un système de notation des échecs, ce qui est un pas très important parce que ça permet, à partir de ce moment-là, d'enregistrer tous les coups d'une partie d'échecs puis de l'analyser par la suite. Et par la bande, on crée aussi ce qu'on appelle la composition échiquéenne, l'invention des problèmes d'échecs. On vous donne une situation de départ. On vous dit, essayez de gagner en trois coups, ce genre de choses. Tout ça entre le 7e et le 9e siècle. En fait, le jeu devient tellement populaire qu'au 9e siècle, il faut inventer un système de classement. Ah bon? Il y a tellement de joueurs qu'on les classe, 6 classes différentes, et les joueurs les plus faibles, intermédiaires, ce genre de classement. Oui, ce genre de classement-là. On donnait d'ailleurs un avantage aux joueurs les plus faibles, qu'on appelait en anglais un handicap. Ouais. Déjà, au 9e siècle, ça existait déjà, c'est pas d'hier. Et les joueurs les plus forts étaient gardés à la cour par le calife, qui était très fier d'entretenir des joueurs d'un tel calibre à la cour. Alors, d'une certaine façon, c'était les premiers joueurs d'échecs professionnels. Mmh. L'Europe va s'intéresser aux échecs également, va d'ailleurs pousser le jeu encore plus loin. C'est peut-être là où apparaîtra vraiment le jeu moderne qu'on joue encore aujourd'hui. Ça se passe où et quand, l'apparition des échecs en Europe? Ça arrive autour du 10e siècle. Les échecs arrivent en Espagne, puis se propagent au reste du territoire à partir de l'Espagne. C'est à ce moment-là, un petit peu plus tard, au 11e siècle, que la reine fait son apparition. Ça vaut la peine d'en parler. La reine, avant, c'était le conseiller ou le vizir. Mais à ce moment-là, il y a eu une guerre un conflit particulier entre les Normands qui venaient chasser quelques Byzantins dans le sud de l'Italie qui s'accrochaient encore au territoire. Les reines avaient apparemment joué un rôle important dans ce conflit-là. Alors, un artisan du lieu avait sculpté des pièces spéciales qui remplaçaient le conseiller ou le vizir par la reine. Alors, c'est de là qu'on a notre reine maintenant. Oui, alors, au 15e siècle, toujours en Europe, il y a la grande réforme des échecs. Le 15e siècle, c'est l'apparition de l'imprimerie. Mm-hmm. Alors, les jeux de cartes deviennent encore plus populaires. C'est plus facile de disséminer les jeux de cartes. C'est une compétition féroce pour les échecs. On décide de réformer. Au Moyen-Orient, les règles étaient perçues comme quelque chose de permanent, pas en Europe. Mm-hmm. Alors, deux changements, j'en nomme seulement deux. Le fou, on change le mouvement du fou, qui, à l'origine, c'est assez étonnant, faisait un bond de deux cases sur une diagonale. Bon. Là, il n'y a plus de bond pour le fou, mais il peut se déplacer sur toute la diagonale. Et la reine, ou le vizir avant elle, qui pouvait se déplacer seulement d'une case en diagonale, on fait d'elle la pièce la plus puissante de tout le jeu. Elle peut se déplacer d'un nombre de cases limitées sur toutes les diagonales. Et à l'époque, d'ailleurs, les Français appelaient cette nouvelle mouture du jeu d'échecs les échecs de la dame enragée. Ah bon? Qui peut aller partout. À partir de ce moment-là. Ça. Les tournois d'échecs font aussi partie, bien sûr, de l'histoire des échecs, Francis Lalumière. Montréal va accueillir, on fait un petit saut dans le temps, va accueillir un tournoi important en 1979 à Terre des Hommes. Le maire de Montréal à l'époque, Jean Drapeau, et l'organisateur russe du tournoi, Lubomir Kavalek. C'est encore une fois un grand événement qui se prépare, qui va bientôt commencer et qui va consolider une fois de plus la réputation internationale de Montréal. This tournament is perhaps the strongest tournament in the history of chess. What is the real importance of this tournament, Francis Lalumière? Est-ce que dans quel contexte est organisé ce tournoi, puis est-ce qu'il est aussi important que le dit là, l'organisateur russe? Ben, ce tournoi, on voulait faire rayonner un peu Montréal. C'est l'époque de Jean Drapeau. Oui. C'est un moment important. C'est un tournoi important au sens où tous les grands joueurs internationaux étaient présents. Tout le monde était là. Tout le monde, sauf peut-être les spectateurs. Parce que problème de timing, le tournoi, c'est un grand tournoi qui a duré un mois. Mais un petit problème de timing, le tournoi a lieu durant les séries éliminatoires du hockey. Mmh. Alors apparemment, les spectateurs ont préféré la POC au pion, ce qui est un peu malheureux, mais bon. Mais pas complètement étonnant. Non. C'est certain, ouais. On vit dans notre contexte. Bon, tout n'avait pas été planifié. Mauvais coup, si on était aux échecs. Les tournois, évidemment, le tournoi de Montréal, c'est 79, mais les tournois, je le disais, font vraiment partie de l'histoire du jeu. Ça commence quand? Le premier tournoi, je dirais, de l'histoire moderne des échecs. Le premier tournoi moderne organisé est au 19e siècle, en 1851. C'est organisé à Londres, un grand événement, beaucoup de spectateurs, beaucoup de joueurs. Et on se rend compte assez vite qu'il va falloir imposer des limites de temps. Il n'y avait pas de limite de temps pour les tournois à l'origine. Entre autres, il y a un joueur qui a pris 2h20 pour planifier un seul coup. L'horreur. C'est épouvantable. J'imagine l'adversaire qui s'endort, non, qui tombe en coma. Alors, 2h20, on s'est dit ensuite qu'il faudrait avoir un système pour limiter le temps de réflexion. Bonne idée. C'est assez ironique. Par contre, ça a pris 10 ans pour arriver à un système qui accélère le jeu. C'est des sabliers à l'origine qui étaient sur les tables de tournois comme ça. Bon. Les Soviétiques, on y arrive. On l'évoquait un petit peu au début de l'émission avec cette comédie musicale d'ABBA, les défections. Ils seront quelques-uns, des grands champions, à passer à l'Ouest. Ils vont dominer vraiment les tournois du 20e siècle, d'une bonne partie du 20e siècle. Les Soviétiques, c'est vraiment une usine à champions. On écoute un extrait du film de Gilles Carle, réalisé en 1982, Jouer sa vie. On y parle justement de la défection du champion russe Viktor Korchnoï. Et on comprend, vous allez voir, Francis, en écoutant cet extrait, l'importance qu'ont les échecs pour le régime soviétique. À 10 ans, Viktor Korchnoï voit sa famille décimée par la guerre au siège de Leningrad. À 13 ans, quand il décide de se consacrer aux échecs, c'est déjà un lutteur, un survivant. Maître à 18 ans, grand maître international à 24 ans, il est 4 fois champion de l'URSS et prétend aujourd'hui au championnat du monde. À l'occasion d'un tournoi aux Pays-Bas en juillet 1976, il demande et obtient l'asile politique. Dans son pays d'origine, c'est la consternation. Korchnoï devient le traître. Dans les autres domaines, les arts, les sports et tout, il y a eu des défections. C'était assez courant même depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais aux échecs, jamais. Ça a été le premier joueur à quitter l'URSS. Pourquoi ? Parce que pour faire défection, surtout si on est très fort, il faut être fou. Parce que c'est se condamner à une vie de bohémiens et une vie sans sécurité, alors qu'en URSS, on a tous les privilèges. On a la villa, on a les voitures, on a à peu près tout ce qu'il faut tant qu'on fait partie de l'élite. Il n'a pas compris les implications politiques de son geste. S'il avait su à quel point ce serait difficile de quitter, il n'aurait pas quitté. Ils sont choyés, les grands champions d'échecs en Union soviétique parce que Francis Lalumière, c'est pour le pays, pour le rayonnement, pour la grandeur de l'URSS, c'est important les échecs. Absolument, c'est important. Et aussi, à ce moment-là, les échecs sont le miroir de la réalité socio-culturelle et historique du moment. Alors, l'espèce de confrontation, on est dans la guerre froide, une immense confrontation épique entre les deux superpuissances, l'URSS et les États-Unis. Les échecs représentaient d'une façon une espèce de microcosme de cette réalité-là aussi. Comme le sport, comme les Jeux olympiques, comme la course spatiale, les échecs font partie de cette symbolique de l'affrontement entre les deux grands blocs. Les échecs font partie de la réalité politique de l'époque, ouais. Absolument. Il y aura, donc ils dominent pas mal, à la fin des années 40, là, il y a une domination qui va se... Oui, à partir de 1948, le premier champion soviétique, et bien, ensuite pendant des décennies, il y a un seul joueur qui réussit à briser l'armure soviétique, c'est Bobby Fischer en 1972. Ouais. Et ça a donné, c'est un phénomène, Bobby Fischer, et ça a donné le tournoi du siècle de 1972. C'est drôle parce qu'en préparant l'émission, je réalisais que c'est la même année où il y aura la série du siècle au hockey. Oui, c'est vrai. En 72, donc une grosse année. Extrait d'un film qui a rien à voir avec Bobby Fischer par ailleurs, ou si peu, l'ouverture du film à la recherche de Bobby Fischer, juste pour comprendre un petit peu à qui on a affaire et l'importance de ce tournoi de 72. Au 40e trait de la 21e partie, il contra le fou de Spassky en E6 avec un pion en A4. Et c'était fini. Il rentra au pays en héros. Il s'était vanté de battre le russe. C'était fait. Il pouvait à présent exiger autant d'argent qu'un champion poids lourd. Il fut invité à la table des présidents et des rois. Bobby Fischer fit alors le coup le plus original et inattendu qui soit. Il disparut. Extrait du film de Steven Zalian, réalisé en 93 à la recherche de Bobby Fischer. Tournoi fondamental, ce tournoi de 72, Francis Lalumière. Oui, bien écoutez, depuis 48, ça avait été une domination totale des Soviétiques. Alors qu'en 72, Bobby Fischer arrive sur la scène internationale et réussit à vaincre l'URSS au grand complet, on avait l'impression, alors que les États-Unis se montraient pour une fois plus forts que... C'est en Islande. Les gens russes. Ça se passe comment? C'est un tournoi particulier parce que, en grande partie parce que Bobby Fischer avait beaucoup divergé de ce qu'on appelle son playbook. Il surprenait sans arrêt ses adversaires en utilisant des ouvertures. Parce qu'évidemment, les adversaires s'étudient les uns les autres. Alors, on sait que Karpov a tendance à ouvrir comme ça. Fischer a tendance à ouvrir de cette façon-là. Fischer lui avait à peu près tout réinventé, sa façon de jouer au moment de se présenter au tournoi. Alors, ça a causé beaucoup d'émoi, beaucoup de surprises et, dans son cas, lui, une victoire. Et évidemment, c'est un numéro. C'est tout un numéro. Il est capricieux. Puis les Russes sont furieux. Son adversaire dit, il veut m'intimider. La télé, la chambre d'hôtel ne fonctionne pas à son goût. C'est trop beau dehors. En fait, c'est vraiment... Ouais, c'est un personnage assez excentrique. Quand on a voulu le ravoir pour une espèce de tournoi en revanche, si vous voulez, en 75, quand on lui a demandé de venir défendre son titre, Fischer a insisté, il y avait des conditions un peu étranges, là. Il voulait absolument qu'on joue jusqu'à ce que chaque joueur ait gagné 10 parties chacun, ce qui peut mener à très loin, ça peut être long. Si jamais on arrivait à égalité à 9-9, un peu comme au ping-pong ou à d'autres sports de raquette, il voulait qu'il y ait un écart de 2 parties. Alors, il voulait pas perdre contre celui qui viendrait, le challenger, qui viendrait le défier par une seule partie, ouais. Vous voulez que ce soit. Bon, il y avait toutes sortes de conditions mises en place comme ça qui étaient un peu abracadabrantes. On a fini par accepter la plupart de ces conditions-là. Mais en 75, Fischer ne s'est jamais présenté. Ah bon. Et de fait, dans le film, on dit son dernier coup, le coup de maître en quelque sorte, il disparaît. Qu'est-ce qui se passe avec Fischer? Il vit en reclus par la suite. Il a participé à d'autres, longtemps après, il a participé à d'autres, pas d'autres tournois, mais d'autres parties, médiatisées un peu, mais toujours amicales, jamais rien de très officiel. Après Fischer, donc, les Russes retrouvent le haut du pavé, c'est le retour de la domination soviétique aux échecs, et étrangement, le prochain adversaire de taille des Soviétiques, ce sera Deep Blue. Deep Blue, c'est son nom, est une super machine. Il a été programmé non seulement pour jouer aux échecs, mais aussi pour battre les meilleurs joueurs. Il a en mémoire des centaines de parties jouées par les plus grands maîtres, et on a même réussi à lui faire tenir compte du style de jeu de Kasparov. Mais ce qui dérange un petit peu l'adversaire, c'est le fait que l'ordinateur sait tout. C'est comme s'il joue avec un livre ouvert. Il connaît toutes les parties de ses adversaires, il connaît les variantes d'ouverture. On peut lui intégrer toutes les encyclopédies, des ouvertures. Donc, au niveau de la théorie, il y a 100% de la théorie. C'est ce qui embête un petit peu l'adversaire qui, lui, n'a pas la même mémoire. Hein. Il se fie un petit peu à son intellect, il se fie un petit peu à son expérience. Mais disons que pour beaucoup, là, c'est un problème. Extrait d'un reportage de Pierre-Léon Lafrance en 1996, Francis Lalumière. Qui va donc l'emporter entre la machine et l'homme? On ne peut pas supporter le suspense. C'est un match qui était important. C'est un chapitre particulier dans l'histoire des échecs. C'est Garry Kasparov qui se confrontait à Deep Blue, un super ordinateur programmé par IBM. En 96, à la fin 96 et début 97, il y a eu deux matchs, deux séries de six parties. C'est Kasparov qui a remporté le premier match, mais c'est Deep Blue qui a remporté le deuxième. Alors, c'était la première fois dans l'histoire des échecs qu'une machine... C'était pas la première fois qu'une machine essayait de battre un humain, mais c'est la première fois qu'un ordinateur réussissait à vaincre un champion du monde des échecs en poste, qui était champion du monde à ce moment-là. Et ça a eu des implications technologiques et philosophiques dont on parle encore jusqu'à aujourd'hui. L'affaire des échecs tremble à ce moment-là, parce qu'écoutez, l'instinct au diable, l'instinct, l'art de jouer, la mémoire informatique, la capacité mathématique l'emporte au final. Oui, enfin, j'hésite à répondre oui, parce qu'il y a eu toute une controverse autour de cette histoire-là, parce que pendant, vous irez voir, il y a un documentaire fascinant qui s'appelle The Man versus the Machine, oui, l'homme contre la machine sur le tournoi en question, mais le problème, c'est que pendant le match, d'une partie à l'autre, les techniciens, les informaticiens reprogrammaient Deep Blue entre les parties. Alors là, il y avait toute une discussion. À partir de ce qui venait de se faire. Oui, à partir de ce qui venait de ce qui venait d'arriver. Alors, il y avait toute une discussion presque métaphysique, en fait, où on se disait, ben, est-ce que c'est pas ce qui se passe dans le cerveau de Kasparov, ou si lui analyse la partie qu'il vient de jouer, il reconfigure peut-être certains coups certains patterns. Donc, qui bat Kasparov? C'est la question, finalement. C'est l'ordinateur ou c'est l'ordinateur assisté par l'homme? Enfin. Ben voilà. Alors, grand débat philosophique. On s'entend généralement pour dire que Deep Blue a remporté. Ce qui sonnait pas le glas des échecs joués par des humains du tout, au contraire. Les échecs aujourd'hui, Francis Lalumière. Vous en parliez au début de l'émission. C'est un jeu qui ne cesse de fasciner l'humanité. Vous disiez qu'il y a presque un dixième de la population mondiale, 600 millions de joueurs, qui jouent aux échecs au moins une fois de temps en temps, semi-régulièrement. C'est très impressionnant. Et on n'a pas fini d'explorer le jeu, d'essayer d'en repousser les limites. Il y a une énorme panoplie de variantes d'échecs qui existent aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui font partie du domaine public, que vous pouvez trouver en ligne si vous êtes curieux. Il y en a plusieurs aussi qui ont été publiées officiellement, en bonne et due forme, dont une, Proteus, commise par votre humble serviteur, qui utilise aussi des dés. Alors, c'est un petit peu un retour à l'origine des échecs, mais sans avoir recours au hasard. Francis Lalumière, concepteur de jeux amoureux des jeux de société. C'était toujours un plaisir de vous recevoir. Merci, Francis. Merci, tout plaisir était pour moi. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.